si l'on n'avait pas arrangé une partie au dehors, c'est chez les vers du Rhin que Swann retrouvait le petit noyau, mais il ne venait que le soir et n'acceptait presque jamais à dîner, malgré les instances d'Odette. Swann se disait que s'il montrait à Odette, en consentant seulement à la retrouver après dîner, qu'il y avait des plaisirs qu'il préférait à celui d'être avec elle, le goût qu'elle ressentait pour lui ne connaîtrait pas de longtemps la satiété. Et, d'autre part, préférant infiniment à celle d'Odette la beauté d'une petite ouvrière fraîche et bouffie comme une rose et dont il était épris, il aimait mieux passer le commencement de la soirée avec elle, étant sûr de voir Odette ensuite. C'est pour les mêmes raisons qu'il n'acceptait jamais qu'Odette vint le chercher pour aller chez les Verdurin. La petite ouvrière l'attendait près de chez lui, à un coin de rue que son cocher Rémi connaissait. Elle montait à côté de Swann et restait dans ses bras jusqu'au moment où la voiture l'arrêtait devant chez les Verdurin. À son entrée, tandis que Madame Verdurin, montrant des roses qu'il avait envoyées le matin, lui disait « Je vous gronde » et lui indiquait une place à côté d'Odette, le pianiste jouait, pour eux deux, la petite phrase de Vinteuil qui était comme l'air national de leur amour. Mais Swann y croyait distinguer maintenant du désenchantement. Elle semblait connaître la vanité de ce bonheur dont elle montrait la voie. Dans sa grâce légère, elle avait quelque chose d'accompli, comme le détachement qui succède au regret.